Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, La vie de chantier, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a toujours voulu savoir ce qui se passe derrière les palissades, au-delà du panneau « Attention, travaux » et dans le bruit furieux des machines où règnent les ouvriers. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des pyramides de verre, des silences, des machines, une langue des signes, un architecte et des grutiers taiseux et solitaires qui dominent le paysage dans leur cabine minuscule. Mais pour commencer, premier épisode, levée de rideau. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Sophie Le Goupil, pourquoi, d'après vous, depuis que j'enregistre cette série, la parole est, me semble-t-il, assez verrouillée? C'est-à-dire que les conducteurs de travaux, tant les conducteurs de travaux que les compagnons, que les architectes, que ceux qui travaillent en amont, restent réservés quand il s'agit de décrire l'atmosphère d'un chantier qui est faite d'imprévus, qui est faite de beaucoup d'affects. Et ça ne vient pas. Je pense que déjà, on est dans un univers où les gens ne sont pas forcément très habitués à partager. On est dans un univers où on est dans le concret, dans l'immédiateté. Et notamment les compagnons, ils sont sur le chantier, ils produisent. Alors forcément, il y a de l'anticipation, beaucoup. Mais les moments où on se pose pour prendre le temps de réfléchir et de réagir et de se dire... ce qu'on a fait, ça m'a provoqué telle ou telle émotion. Au final, j'ai l'impression que c'est peut-être effectivement quelque chose qui reste un peu de l'entre-soi et qui n'est pas forcément partagé. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'habitude, enfin un problème si on appelle ça un problème, mais une sorte de culture en fait. On prend pas l'habitude de partager ses émotions. On est vraiment sur le terrain, on produit, et pourtant, Dieu sait si l'humain... Et le fait d'être ensemble et le fait de se soutenir est quelque chose d'absolument essentiel. Mais c'est vrai que quand on vit des chantiers, moi avec ma casquette dite de maître d'ouvrage, donc moi je ne suis pas du tout un entrepreneur. Michel Bournat. Je suis un client qui confie des opérations de construction. J'aime bien participer aux réunions de chantier. Et d'abord, ils ont énormément de choses à m'apprendre. Et je suis curieux de nature, et eux-mêmes, ils veulent bien savoir pour qui ils travaillent, dans quelles conditions, etc. C'est une transparence, un lien qui n'est pas naturel chez eux. Et donc chez eux, le côté, à la fois il y a un côté humain très chaleureux, mais un côté, on n'est pas là pour rigoler. Donc tout ça, ça fait une espèce de bouillon de culture un petit peu qu'il faut apprendre à observer. C'est pas facile de rentrer dedans. Et le côté humain, comme dans beaucoup de métiers, il est extrêmement important pour et permet des fois de dénouer des situations très mal parties parce que les surprises, bonnes ou mauvaises sur les chantiers, c'est quotidien. Donc c'est des métiers, il faut savoir s'adapter tout le temps, tout en gardant le cap. Jean, c'est François. Oui, François, je t'entends pas. Je disais, on va le mettre ailleurs pour qu'il soit quand même visible autre part et pas sur la haute coupe. Désolé, je t'entends pas là. Laisse-moi approcher de la machine. Ça roule. On peut t'appeler au téléphone là dans 3 minutes? Ouais, vas-y, tu peux m'appeler au téléphone. Luc Weisman, vous êtes architecte. Vous avez travaillé sur des gros chantiers, dont un au Mont-Saint-Michel, vous nous en parlerez. Pourquoi il est si difficile de faire parler les gens du bâtiment, de la construction, de leur métier? C'est effectivement très difficile de parler. Les gens du bâtiment sont des taiseux, en fait. Un peu comme les montagnards, sont des gens qui parlent avec leurs gestes, qui parlent avec leurs actes, qui communiquent entre eux silencieusement dans le travail, parce que le chantier est le lieu d'une expression collective. c'est pas un lieu d'expression individuelle. On travaille ensemble sur un chantier, mais curieusement dans un certain silence. Ce qui habite le chantier, c'est plutôt le bruit des machines, le bruit du travail, les sons de la matière en mouvement, si on peut dire, que la parole. Et je pense que c'est dû aussi au peu de reconnaissance qu'il y a pour les hommes de chantier, dit de manière générale, au peu de connaissances qu'on peut avoir aussi de ce monde-là, de cette réalité-là du chantier, qui est une réalité tout à fait passionnante, mais qui est à l'écart du monde, curieusement. Nos villes sont pleines de panneaux interdits, de chantiers interdits au public. Et ce panneau-là, il marque comme une espèce de limite, pas seulement physique, mais aussi peut-être mentale, par rapport à cet univers. Pourtant, les gens regardent à travers les palissades. Quand il y a un trou dans une palissade, chacun regarde ce qui se passe dans le chantier, parce qu'il y a une intrigue de ce qui se joue, mais ça reste en dehors. Les personnes sont costumées de façon assez sévère, avec des casques, des combinaisons, des gants. On les reconnaît pas toujours à travers leur habillement. Leur personnalité ne ressort pas toujours non plus. Il y a une sorte de banalisation à travers l'habit de la personne, curieusement. Et on ne les met pas en valeur. Le monde du chantier, l'homme du bâtiment, des travaux publics, n'est pas mis en valeur dans notre société contemporaine. Un peu d'ailleurs comme le travail manuel est finalement presque méprisé, en tout cas ignoré ou dévalorisé, ce qui est tout à fait décevant, je trouve. J'ai entendu récemment Annick de Souzenel, qui est une personne assez passionnante, qui est philosophe, une grande spirituelle, qui disait qu'elle avait compris récemment qu'elle faisait le lien, qu'on pouvait faire le lien plutôt, entre cette dénégation du travail manuel, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, par exemple, où les hommes qui travaillaient avec leurs mains étaient extrêmement valorisés, y compris dans des milieux intellectuels, pas seulement dans les milieux manuels, qu'on pouvait faire le lien entre cette dévalorisation du travail manuel et la perte d'intériorité qu'on a en Occident. Je trouve ça extrêmement intéressant. La perte de spiritualité. Et qu'il y avait un rapport comme si, avec la dénégation de la matière et du rapport de l'homme à la matière, il y avait en même temps la dénégation de sa propre intériorité. Rudy Rucciotti, vous êtes architecte. Vous avez été sur des chantiers tout petit, tout jeune. Et est-ce que vous avez aimé ça tout de suite ? Écoutez, d'abord, architecte. Je n'ai rien appris à l'école d'architecture. Je suis ingénieur d'opérette, ce qui veut dire que je n'ai rien appris à l'école d'ingénieur. Et j'ai tout appris sur les chantiers avec des gens qui font. On n'est pas architecte seul. On est architecte avec des autres, avec des sachants, avec tous les métiers qui font la cohésion sociale de l'univers, de l'art de bâtir, du récit constructif. Je dois tout aux acteurs du travail. Les acteurs du travail, vous savez, ils sont nombreux. Les métiers autour de l'acte de bâtir, notamment lorsqu'on construit avec du béton, sont nombreux, complexes, s'inscrivent sur la durée, sur une mémoire très longue. Et il faut savoir leur tendre la main. Moi, je défends les entreprises. J'estime les entreprises. J'estime les artisans, j'estime ces gens qui transpirent, parce que je vois bien que l'odeur de la transpiration d'un saint sous le débardeur, outre son message érotique, peut envoyer, dégager une anxiété, n'est-ce pas, comme une vulgarité complémentaire. Vous savez ce qui est vulgaire, c'est de considérer que le monde du travail est vulgaire. Aurélie Ouzineb, vous êtes architecte de formation, mais vous avez un parcours particulier. Oui, j'ai fait mes études d'architecture que j'avais terminées. Et en fait, à la fin de mes études, on a eu la chance, pendant nos études, de faire un projet où on a été construire un prototype de ce qu'on avait conçu avec notre classe. Et en fait, ça m'a vraiment fait tilt. C'est un peu comme allumer une petite flamme. Et avec une amie et collègue de ma promotion d'archi, on a décidé, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire nous des chantiers pour se rendre compte de comment c'est de construire les choses, de comment ça se passe, de manipuler nous-mêmes les choses et de construire concrète. Parce qu'on avait passé 5 ans à dessiner, mais jamais à bâtir ce qu'on dessinait, ça restait très abstrait. Et on s'est dit, bah allez, on y va l'année prochaine. Et donc pendant 1 an, on est parti dans toute la France faire des chantiers bénévoles. Et moi, ça m'a tellement plu qu'en fait, après, j'ai passé mon CAP et que j'ai continué en charpente. Et j'aurais jamais eu l'idée de faire ce métier-là si j'avais pas concrètement essayé, parce que c'est pas le genre de métier qu'on nous propose quand on est bon à l'école et qu'on a fait un bac S. On nous propose pas souvent un CAP de charpente, donc, donc voilà. C'est comme ça que je suis arrivée sur les chantiers de l'autre côté. Pendant les 5 ans d'études, jamais on ne vous a emmené sur un chantier, les profs, non? Avec les professeurs pendant les études, on a pas mal fait des visites culturelles de bâtiments, des choses comme ça, pour avoir un peu une culture architecturale et aussi se rendre compte d'une architecture construite comme on sait. Mais il y a aussi un premier stage ouvrier la première année, mais c'est seulement quelques semaines, c'est très court. Personnellement, j'étais sur un chantier qui c'était vraiment pas très intéressant. Enfin, ça m'a pas du tout intéressé ce chantier-là. Et en fait, du coup, après, très vite, tous les stages qu'on fait, c'est en agence. Donc, si on peut avoir la chance de faire du suivi de chantier en agence. Sauf que le suivi de chantier, c'est pas du tout pareil. C'est de la gestion de problèmes, en fait. De la gestion d'avancement, c'est du planning, c'est des mails, c'est pas du tout construire soi-même. On avait l'occasion de faire des petits ateliers, des petits workshops qui parfois sont, on appelle ça des workshops, du coup, des genres d'ateliers où on va bricoler des petites choses, mais c'est vraiment très très anecdotique dans tout le parcours. Après, je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui mettent ça en place, de pouvoir construire des choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en dernière année, où on allait construire un taille réelle, un petit partie du projet qu'on avait conçu pendant l'année. Et c'est là que ça fait un peu un déclic. On se dit, mais en fait, c'est super d'être dehors, de construire des choses, de couper, d'avoir chaud, d'avoir froid. Enfin, tout ça, en fait, c'est trop chouette. Et enfin, voilà, c'est vrai qu'on y pense, on n'y pense pas quand... C'est un peu bête à dire, mais quand on est bon à l'école, jamais on pense à être ouvrier, en fait. Et alors que c'est super, non. Bonjour, donc Clément Imbert, j'appartiens à CT Jean Lefebvre. Je suis conducteur travaux en VRD. VRD, c'est l'abréviation de voirie et réseau divers. Donc tout ce qui va être les réseaux de viabilisation des bâtiments et voirie en fait qui va regrouper tous les aménagements périphériques qu'on va avoir. On réalise tous les aménagements extérieurs, notamment là pour le cas du chantier actuel de la crèche de Azac Maison Blanche Née sur Marne, à savoir tous les réseaux de viabilisation du bâtiment en termes d'assainissement, télécommunications, acheminement d'électricité et de l'eau, et également après tous les aménagements de surface. Pour aménager les abords de la crèche. Comment êtes-vous devenu conducteur de travaux ? J'ai suivi un parcours un peu standard avec une école d'ingénieurs en bâtiment et travaux publics. Et ensuite, je me suis orienté vers la branche travaux publics et j'ai intégré la Cité Jean Lefebvre directement à la sortie de l'école. Donc ça fait à peu près 6 ans que j'exerce le métier de conducteur de travaux. Et voilà. Alors, en tant que conducteur de travaux, c'est vrai qu'on a pas mal de différentes casquettes, que ce soit en relation avec les maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre pour mener à bien le projet et choisir au mieux les matériaux, assurer le suivi et le bon acheminement de toutes les fournitures qu'on va avoir besoin, suivre la réalisation des travaux, que tout soit bien réglé dans les règles de l'art, et savoir gérer un peu les différents acteurs extérieurs, notamment pour notre cas avec le bâtiment, qui peut avoir besoin des accès sur lesquels on travaille. Donc ça va être une gestion fourniture, gestion planning et aussi relationnel humain. En moyenne, une équipe travaux en VRD, on peut être sur 5 compagnons, un chef d'équipe et un chef de chantier. Après, ça va dépendre de la taille et des moyens humains qui sont nécessaires. Les premières phases sont plus mécanisées, donc on va avoir 2-3 personnes. Les secondes phases, c'est plus du revêtement, donc beaucoup plus de manuels. Et là, effectivement, on va repartir sur 5 compagnons en moyenne. Vous c'est très très particulier. Oui. Puisqu'en fait, c'est une structure en bois autoporteuse. Et donc pour l'aménagement du futur Hilton, donc il y a toute une modification de la structure. Donc c'est sur 6 niveaux. D'accord. Donc on doit recouper des poutres, on a eu des injections de résine, on a renforcé intégralement la structure bois qui reste à l'identique avec un sablage, je vais vous faire voir un petit peu après. Et puis on a coupé aussi des poteaux qui étaient infectés par les termites et on a fait du raboutage de poteaux. Donc voilà, donc on va rentrer un petit peu à l'intérieur, je vous passe voir. C'est un chantier qui dure depuis combien de temps et qui en... Ça fait 2 ans. Et il y a encore combien d'années ? Là, ça doit se réceptionner logiquement à l'automne 2022. Voilà. Voilà, une voiture grise. L'entrée juste là, il y a une petite cabane, je vous attends de l'autre côté. Et je vous file les bottes, le casque et, un chasuble pour que vous puissiez vous balader sur le chantier. Ouais, voilà, faut faire tout le tour. D'accord. Pour tous deux, c'est pas de soucis. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est privilégié sur un chantier ? Au café. Ah ! Jean-Luc Lemoine et Jean-Bernard Payet. Non, je pense que quand on est tout seul, ouais, c'est bien. Là, il y a énormément de corps de métier. Il y a du bruit toute la journée. On est en permanence avec les bouchons d'oreille. C'est pas très agréable. Et nous, on commence de très bonne heure. Moi, je suis là, c'est 7h moins le quart. Et il commence à 8h. Et je sais que jusqu'à 8h, on est bien. On est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites de 7h moins le quart à 8h ? Ben, ça permet de s'organiser, de discuter avec les compagnons, de leur expliquer le boulot sans pour autant faire des petits dessins parce qu'il y a trop de bruit, parce que le marteau-piqueur est en train de casser quelque chose, ou le BRH il est en train de démonter une dalle qui a été loupée par le maçon. Et puis bon, on est à l'aise. Il n'y a pas de grutier là sur ce chantier ? Alors, il y a un grutier, mais qui n'est pas à temps complet. C'est suivant les besoins et les périodes, hein, les pics comme on dit. Mais maintenant, sur tous les chantiers, il y a des grutiers. Est-ce qu'il y a des caractères types attachés à tel métier ? C'est-à-dire, le grutier, c'est un solitaire, il aime être là-haut, c'est le moins bavard de tous. Est-ce que je caricature ou il y a quand même des traits de caractère ? Voilà, on pourrait dire non, il n'est pas solitaire, parce que bien souvent, ils descendent le midi pour manger avec eux, pour partager. Pour dire, tu vois, ce matin, t'étais un peu brusque avec ta grue. Il dit, oui, mais il y avait du vent. Ah oui, c'est vrai, il y a du vent, voilà. Il y a beaucoup d'échanges. C'est pareil, aujourd'hui, tous les grutiers sont équipés au minimum avec les ouvriers de Takiwalki, voire de caméra. Donc, ils voient ce qui se passe aussi. Et ils aiment bien aussi aller boire, même descendre parfois à 10h, s'il y a un trou, un petit moment de pause, boire un café avec les gars du chantier, quoi. C'est long, la descente d'une nacelle d'un grutier ? Non, ça prend 5 minutes pour descendre, c'est plus long à monter. Hein. Mais il y a des grues comme celle-ci, elle a un ascenseur celle-ci, il me semble. Depuis 2020, les ascenseurs sont obligatoires. Ouais. Avant, les ascenseurs n'étaient pas obligatoires, en tout cas du sol jusqu'à les 2/3 de la hauteur, me semble-t-il. Alors sur des petites grues comme ici, ils peuvent descendre. On a fait des chantiers, notamment Porte de Clichy, où la grue était tellement grande que le grutier restait à demeure. Il montait le matin avec son petit sac. Et c'est des rues qui sont aménagées, par contre, qui ont la clim, qui ont des toilettes. C'est petit, mais il n'a pas besoin de descendre. Maintenant, depuis 2020, les nouvelles grues qui sortent des usines de fabrication, c'est devenu oublié. Ne serait-ce que pour, si jamais il fait un malaise, qu'on puisse aller le chercher, le redescendre. C'est surtout pour ça, plus que pour la fatigue physique. C'est un métier particulier, hein. Faut avoir être monté dans une cabine là-haut, c'est très très très compliqué. Hein. Parce qu'ils vont voir les conducteurs de travaux et ils demandent qu'est-ce qui va se passer sur le chantier dans la journée, comment que c'est organisé. Ils aiment ça en fait. Hein. Ils aiment le levage. Je pense que c'est comme les petits enfants quand on commence à leur faire jouer avec les petits tracteurs ou quoi, ça leur reste et ils adorent ça en fait. Ils en font véritablement un métier et ils adorent ça. Ils feraient pas autre chose, hein. Vraiment. Moi, j'en ai pas connu qui ont dit « Moi, je descends de la grue, je vais faire autre chose. » Non, non, ils sont bien là-haut. Ils aiment ça. Et la vision est belle, hein, par contre, hein, de la cabine. Il y a vraiment... D'ailleurs, en parallèle, Jean-Bernard est aussi grutier. Alors moi, je suis grutier au sol. C'est-à-dire que... Ah oui, pour soulever les choses. J'ai une radio commande, en fait. J'ai pas besoin d'être en cabine là-haut. ce qui me permet d'être sur le lieu de pose avec les gars. Dans la cour du Louvre, voici depuis aujourd'hui que sont avancées les bases de la pyramide de verre due à l'architecte japonais Pei. Ce sont des poutres, une énorme poutre, et le regard de Pierre Champetier et Claude Barnier. 1986. Les grands artistes sont souvent méconnus. Je vous présente Monsieur Pierre Braconnot, le Yehudi Menuhin du convoi exceptionnel. Il va vous interpréter le transport de la pyramide. Un fabuleux orchestre de 400 chevaux. Un public hélas clairsemé, Paris est bien vide à 2h du matin. Quant au morceau, voyez plutôt, 140 tonnes, 38 mètres de long. Un chef-d'œuvre sorti des forges de Strasbourg pour supporter la fameuse pyramide du Louvre. Impressionnant aussi le tempo. 45 km/h sur route, 20 km/h en ville. Il faut avoir l'œil vif, du doigté, de la concentration, surtout dans les virages. Pas une fausse note, malgré un parcours semé d'anicroches, lampadaires, arbres, statues, feux rouges. Finale de toute beauté, avec ce remarquable passage en souplesse par les guichets du Louvre. Enfin, la rampe du chantier sous les sunlights. Monsieur Braconnot l'a descendu comme une star. Saluons également un autre artiste de gros calibre, monsieur Robert von Gult, grutier, qui a soulevé l'enthousiasme en reprenant le même morceau et en le déposant en douceur à 11 mètres au-dessus de nos têtes, dans un espace calculé au millimètre près. Voici donc délimitée par son socle la surface qu'occupera bientôt la pyramide dans la cour Napoléon. Le plus gros est fait et bien fait. Dans l'horlogerie du monde, j'entends un tic-tac nouveau. Dans l'horlogerie du monde, j'entends un tic-tac nouveau. Un temps battant un tempo, sans aiguille ni seconde, sans aiguille ni seconde, sans les heures moribondes, sans le diable dans la peau. J'entends le tic-tac nouveau d'une durée qui m'inonde. Donc moi je suis d'abord peintre en bâtiment de formation. Maud. Donc je me suis orientée vers ce métier par... J'ai toujours voulu faire un métier manuel. Et donc la peinture s'est imposée assez jeune pour moi. J'ai toujours aimé, en fait, dans ma jeunesse, bricoler, travailler avec les matières, les matériaux. Et donc la peinture, je m'y suis engagée parce que il y avait ce travail des couleurs, rénover des intérieurs, travailler pour des particuliers. Et le côté aussi, changer toujours d'environnement, qui est assez intéressant. Il n'y a pas de routine. En général, les chantiers, ça peut durer d'un mois, un an, donc ça se renouvelle toujours. Et un côté satisfaction aussi. Et donc après, moi, je me suis réorientée depuis quelques années dans la peinture décorative. Donc pour être peintre, enfin du coup maintenant je suis aussi peintre en décor. Donc là c'est vraiment une spécialisation du métier. Ça reste dans les mêmes filières. Mais là ça va être tout ce qui est donc peinture décorative, tout ce qui est imitation de bois, marbre. Ça va être aussi des chinoiseries. J'essaie de réfléchir en même temps, tout ce qu'il y a. Donc on va faire de la copie de tableau. En fait, des décors qui vont être créés pour un client. Benoît Lapostole, moi je suis directeur d'exploitation chez Eiffage Génie Civil. Donc concrètement, je supervise les chantiers de génie civil industriel qu'a Eiffage sur l'île de France. Donc je supervise ces projets-là, donc ça veut dire que j'ai en dessous de moi des directeurs de projet qui sont eux affectés à un seul projet et toutes les équipes qui sont en dessous. Alors avant de faire les ponts et chaussées, j'ai fait l'X. Et à l'époque, je me posais vraiment la question de la recherche. J'étais vraiment en mode, je veux faire de la recherche. Alors plutôt dans le domaine de la mécanique et de la mécanique des fluides. Donc j'avais déjà ce goût-là. Et mon père, par contre, lui, travaillait dans le BTP. Et j'avais besoin de concret. En y réfléchissant, j'avais peur d'être trop dans l'abstrait sur la recherche. Et j'étais pas tout de suite dans une logique travaux non plus. En étant au pont, je pensais m'orienter vers tout ce qui est études, calcul de structure, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école et c'est on va dire naturellement ce qui m'intéressait. Et je me suis retrouvé vraiment par hasard dans la partie travaux. Quand je dis par hasard, c'est qu'en fait je me suis dit en stage de fin d'études, mais j'ai en gros jamais mis les pieds sur un chantier. Donc avant d'aller en bureau d'études, je vais quand même faire 6 mois sur un chantier pour voir ce que c'est. Et ben, j'ai pas été déçu du voyage. Résultat, au bout de 3 mois, je me suis dit bon, ben, en fait, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Je veux faire des travaux et j'y suis très bien. Et fini les études, on reste en travaux. J'ai vraiment découvert le monde du chantier et sa richesse et surtout le côté humain qu'il y a sur les chantiers et sur les projets. On est vraiment dans une sorte de grande famille dans un projet avec des relations humaines très fortes. Et avec ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, un vrai mélange des classes, j'allais dire, entre ouvriers, encadrants, ingénieurs, directeurs. Et voilà, il y a une vraie proximité et une vraie relation entre les compagnons, les encadrants, que je n'ai jamais retrouvé ou perçu ailleurs. Pourtant, il y a une forte hiérarchie et elle n'empêche pas la proximité. Non, elle n'empêche pas la proximité parce qu'en fait, il y a un élément fédérateur qui est très fort, c'est le projet. On a tous, qu'on soit ouvrier, encadrant, ingénieur, cette passion du projet. Et voilà, et on est tous là pour construire un projet. Et donc, en fait, on se retrouve tous, on est tous fédérés par l'objet qu'on a à construire. Et ça lève énormément de barrières. Parce qu'on a tous ce point commun-là, on est tous dans le même bateau pour arriver au même point, dans le même but. Et ce levier-là, notamment dans des moments difficiles des phases de projet, est très, très fédérateur. Il y a peu de temps, j'avais un projet d'enfouissement de bretelles d'autoroute où on a eu une nuit juste avant l'ouverture, où on a travaillé du coup toute la nuit pour tenir l'ouverture. Et voilà, il n'y avait plus de directeur, il n'y avait plus d'ouvrier. On avait juste tous le même but. Et ça, moi, ça me, voilà, c'est aussi ce qui me plaît énormément dans le métier. Qu'est-ce que c'est, Arthur Lockman, un beau chantier pour un charpentier ? J'ai bien sûr des souvenirs de beaux chantiers, c'est-à-dire de belles réalisations, et dont je suis fier, et que surtout je suis fier de voir qu'elles durent dans le temps. Enfin, je suis content de retourner, de constater que ça n'a pas bougé. Mais un beau chantier, ou mes souvenirs de beaux chantiers, ce sont les chantiers où il y avait une ambiance de travail, une espèce d'harmonie organisée par le travail, où l'équipe se comprenait dans les tâches à organiser avec une sorte de fluidité ou de silence, en fait. Un chantier, c'est une petite équipe de quelques personnes qui évolue dans un espace relativement réduit, en tout cas des espaces, pour les chantiers de charpente où on est le plus souvent sur un échafaudage ou dans des positions un peu scabreuses sur le toit. Donc on est souvent dépendant des gestes des autres, toujours proche des corps des autres. Et donc l'entente entre les différents ouvriers est primordiale. Et quand cette entente se passe bien, elle opère, il y a quelque chose de magique à avoir la sensation d'être un grand corps qui fonctionne tout seul, qui fonctionne sans avoir besoin de parler pour se dire des choses. Et même presque la parole dans ce genre de situation, dans ce genre d'équipe où ça fonctionne, la parole est comme un échec. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à comprendre ce que voulait l'autre, on n'a pas réussi à comprendre quelle serait la prochaine tâche, et du coup à anticiper ce qu'il fallait faire pour ne pas stopper ou perturber le mouvement du travail. Et donc, sur ce genre de chantier, quand, après une journée, une demi-journée plutôt passée en hauteur, on redescend et on dit un premier mot ou une première phrase, on constate qu'on n'a rien dit de la demi-journée et que c'était magnifique, ce silence actif. Alors l'ambiance des chantiers, alors là je suis dans une grosse entreprise donc c'est très changeant. Il y a des fois des chantiers qui vont très bien se passer où l'ambiance va être super, où on va avoir une bonne équipe, on va s'amuser. Et parfois c'est un peu compliqué parce qu'on va être sur des chantiers où les délais sont peut-être un peu compliqués, où tout le monde se marche dessus et là ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est le côté chantier parisien où il faut finir vite. Et donc, c'est pas toujours évident de gérer aussi les autres métiers. Vous aimeriez avoir votre entreprise ? Alors, c'est une question, oui, que je me pose énormément en ce moment. Donc, je pense que dans les années à venir, j'aimerais ouvrir mon entreprise. Mais je pense pas que ce sera à Paris, par contre. Ce sera plutôt... plutôt en campagne, je pense, ou dans une ville, mais moins dans la région parisienne. Ce sera peut-être la fin des chantiers sur les monuments historiques ? Alors, les chantiers monuments historiques, c'est vraiment des chantiers magnifiques. Après, je dirais que c'est pas forcément les chantiers les plus intéressants, finalement, parce que c'est vrai qu'on est sur des gros chantiers, ça dure assez longtemps. Et c'est pas ce qui me plaît forcément le plus dans le métier. Et donc c'est bien un temps, mais je pense pas faire ça toute ma vie. Mal à interroger des ouvriers, soit parce qu'ils ne parlaient pas français, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de parler. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire la relation entre les ouvriers ? Parce qu'il y a les ouvriers qualifiés, ceux qui le sont moins, et il me semble que c'est très cloisonné. Alors, ça peut être cloisonné. Il y a aussi l'aspect nationalité qui joue beaucoup. Il y a quand même aussi un peu des clans, voilà, par origine des ouvriers. Après, voilà, les équipes se forment sur des chantiers qui durent un peu. Ben les mêmes ouvriers, qu'ils soient qualifiés ou moins qualifiés, se retrouvent à travailler dans la même équipe, dans les mêmes vestiaires. Les liens se créent. Il y a aussi des liens juste purement géographiques où il y a pas mal de covoiturage où ils s'organisent pour les transports, donc ça aide. Et puis, on essaye d'être durablement, on va dire, avec nos compagnons de projet à l'autre, d'essayer de garder les équipes constituées. Donc, les ouvriers se connaissent. On a notre socle, on a sur l'île de France plusieurs centaines d'ouvriers qui sont avec nous depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Et donc, ça crée quand même un lien entre eux qui casse un petit peu ces clans qu'il peut y avoir. Après, il y en a toujours qui, on va dire, qui s'apprécient plus que d'autres. Mais encore une fois, ce côté travail en commun finit par fédérer. Est-ce qu'il y a un corps de métier parmi les compagnons, parmi les ouvriers, que vous admirez particulièrement ? Alors, dans la partie génie civil, on n'a pas chez Eiffage, nous, tout, en tout cas dans mon activité, tous les corps de métier différents. Nous, on est vraiment spécialisé dans la partie gros œuvres. Les autres corps de métier, on va plus les sous-traiter parce qu'aussi, ils font appel à une technicité et un savoir-faire différent d'une autre. Personnellement, mais c'est pas forcément des corps de métier qu'on a chez nous, mais c'est plus par goût personnel. J'ai une vraie admiration sur tout ce qui est travail du bois, charpente. Et sur des métiers qui seront plus, par exemple, de la chaudronnerie ou autre, où il y a vraiment la touche de, je veux dire, le savoir-faire de l'artisan, où on n'est pas dans la mise en œuvre répétitive de procédés de construction. Il y a vraiment le savoir-faire de l'artisan qui intervient. Et donc, ce serait plus là-dessus que j'ai une petite accroche. Parce qu'il y a, voilà, y a un vrai savoir-faire que je n'ai absolument pas. Et c'est hyper enrichissant de travailler justement avec des gens qui vont amener leur savoir-faire et être capable de tirer vers le haut un projet parce qu'ils amènent la petite touche à laquelle on n'a pas du tout pensé et qui vont faire que le projet se transforme en succès. Qui travaille sur un chantier et pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Pourquoi il vous plaît? Qu'est-ce qui, dans une journée de travail, vous plaît? Quelles sont les ambiances, les moments qui vous plaisent? Quels sont les ennuis réguliers où justement, ils sont divers? Comment trouver la bonne position avec ceux qui sont sous votre responsabilité? Voilà, la façon dont vous ressentez votre métier. Alors, je dispose de combien d'heures pour parler de tout ça. C'est très bien d'ailleurs parce que vous mettez exactement le doigt sur Jean-Luc Trottin. Sur les questions, ouais. Sur les questions qu'il faut poser à des gens qui font du chantier pour nous faire apprécier votre métier à vous. Hein, vous êtes exactement sur le bon créneau, me semble-t-il. Alors bon, moi j'ai une histoire très simple. Mon père et mon grand-père étaient dans les travaux publics. Et donc j'ai naturellement embrayé sur ce même chemin par envie de leur ressembler, de faire comme ils faisaient. Et ça a été donc un parcours d'étudiant pour devenir ingénieur des travaux publics, tout simplement, classiquement, avec la volonté de faire du chantier. Parce que pour moi, c'était l'acte de construire par excellence. C'était beaucoup plus concret, évidemment, que de faire une note de calcul. Les plans, c'était sympathique, mais voilà, il fallait voir, sentir, avoir entre les mains une équipe, et puis effectivement l'envie de diriger cette équipe et d'arriver à un résultat concret qu'on peut voir, qu'on peut admirer, comme n'importe quel ouvrage. Donc j'ai commencé un peu dans le bâtiment, et puis très rapidement, je suis arrivé dans les travaux souterrains par le jeu des rencontres, évidemment, parce que c'est toujours un peu comme ça que ça se fait, le jeu de rencontrer une personne qui, à un moment donné, vous donne le déclic et vous dise voilà, c'est ce à quoi j'ai envie de ressembler. Alors le souterrain, c'est une banalité, c'est un monde à part, c'est évidemment un monde un peu caché, un peu secret. Hein. On descend le matin, on remonte le soir, et puis pendant 8 heures, on est ensemble. Alors ça, c'est la vie d'une équipe, c'est la vie des gens qui sont sur un tunnelier ou qui sont à l'intérieur d'une galerie et qui creusent. Voilà. Donc ça, c'est... Il y a toute une... quelque chose de mystérieux au début, parce qu'on ne connaît pas, et donc on a envie d'y participer. Au début de ma carrière, il y avait un chantier emblématique, c'était le tunnel sous la Manche, donc, auquel je n'ai pas participé d'ailleurs, parce que je suis arrivé légèrement après sur le marché du travail. Donc, mais néanmoins, c'était assez emblématique comme chantier, c'était gigantesque, c'était plein de choses très, très intéressantes. Et donc j'ai commencé sur des petits chantiers de souterrain avec des petites équipes, et puis de fil en aiguille, ben voilà, au bout de 30 ans, on accède à des grands chantiers avec plusieurs tunneliers et puis plusieurs centaines d'ouvriers à faire travailler ensemble, alors qu'ils viennent de milieux très différents. Constituer des équipes, c'est quand même... là aussi, c'est une sorte de mécano qu'il faut réussir, parce que Faut marier les gens ensemble, faut qu'ils s'entendent. Et s'ils ne s'entendent pas en tant que chef, il faut régler les conflits, il faut adoucir les aspérités, de manière à ce qu'au final, l'équipe, elle avance. Et qu'il faut que, comme on dit, tout le monde tire dans le même sens. William Shakespeare a donné son nom à cette falaise non loin de Folkestone. L'histoire retiendra donc que le plus grand des poètes est associé au plus grand des chantiers, car c'est ici que l'on creuse, côté britannique, le tunnel sous la Manche. 1989. En fait, ce sont 3 tunnels de 50 km de long chacun qui sont construits. 2 de 7,60 m de diamètre pour la circulation des trains et 1 pour le service, 4,80 m de diamètre, les 3 étant reliés par de nombreuses galeries transversales. Le plus spectaculaire, ce sont les machines. Des tunneliers comme celui-ci, il y en a 11 au total, en France et en Grande-Bretagne, pour forer, extraire les déblais et poser les anneaux en béton armé formant le revêtement du tunnel. Nous sommes ici, sous la mer, près de la machine qui creuse. Imaginez que dans 4 ans, tout sera terminé. Vous pourrez venir, vous aussi, mais par le train. Et vous aurez traversé la Manche sous les eaux en 35 minutes. C'est en 1802 qu'on a envisagé sérieusement de construire un tunnel sous la Manche. Il y a eu de nombreuses tentatives. C'est la 27e qui était la bonne. « 19h30 hier soir, heure de Londres, la Grande-Bretagne a cessé d'être une île. Le premier lien symbolique sous la Manche était établi par un simple forage de quelques centimètres. À l'aide d'une sonde, les Britanniques ont percé sur une longueur de 100 mètres. Les 50 km du tunnel sont ainsi établis. Une œuvre colossale dont le coût a doublé depuis le début des travaux en 1987. » Avec les différentes générations qui se succèdent auprès de vous, oui. Est-ce que vous voyez, dans un sens ou dans l'autre, une évolution C'est très disparate, mais c'est peut-être propre à ce chantier. À ce chantier, dans ce contexte particulier du Grand Paris, indépendamment du Covid. On a eu besoin d'énormément de capacités humaines pour faire ce chantier. Globalement, j'ai 6 tunneliers à faire fonctionner en même temps. Ça fait globalement entre 600 et 700 personnes. Là où précédemment, avant le Grand Paris, nous avions des chantiers avec un ou deux tunneliers. Et c'est vrai pour nous, pour Bouygues, pour Vinci. Donc cet appel d'air a fait venir énormément de gens intéressés parce qu'ils sortaient de l'école, intéressés parce qu'enfin il y avait du travail dans le 93 et qu'il n'y en avait pas avant. Mais pas forcément avec les compétences. Et donc, pourquoi c'est disparate ? C'est parce qu'on a à la fois des gens qui viennent, qu'on n'aurait pas embauchés malgré leur talent. Et là, c'est fort parce qu'on découvre des jeunes et des moins jeunes. Et on se dit, grâce au Grand Paris, ils sont là. Et malheureusement, comme on a besoin d'énormément de gens... il y a aussi des gens qui viennent ici un peu par opportunisme et qui sont peut-être pas aussi motivés par « j'apprends un métier, je donne de ma personne et puis il faut que je sois dans une progression peut-être un peu lente, mais un petit peu, il faut, entre guillemets, faut souffrir pour y arriver ». C'est vrai que les travaux publics, on réussit pas, même si on sort en étant polytechnicien d'une école... Il y a une forte proportion de savoir se comporter, savoir être. Il ne suffit pas de faire des belles notes de calcul. À un moment donné, il faut scoltiner avec la, la vie de tous les jours. Et bon, il y a le comportement qui fait que... Et puis, bon, bah voilà, c'est pour ça que c'est assez disparate. Et au fil des années, moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont des jeunes qui sortent de l'école, qui sont hyper, hyper bien. Et moi, je me compare à eux. Je me dis, non, j'étais pas comme eux à l'époque. J'étais moins bien qu'eux, quoi. Ils écrivent parfaitement le français sans faute d'orthographe. Ils écrivent parfaitement l'anglais. Enfin, ils savent se comporter. Ils ont une vraie éducation. Et du coup, ils sont très réceptifs à ce qu'on leur dit. Et ils emmagasinent. Et ils ne grillent pas les étapes. Mais ils avancent très, très vite. Et puis, bah, y a ceux qui restent un peu en retrait, qui sont pas forcément intéressés par ce qu'on leur fait faire. Notre rôle est d'arriver à placer à peu près tout le monde là où ils se trouvent bien. Et puis, ce qui m'ennuie, c'est que cet afflux, parce que le Grand Paris, il fallait le réaliser assez rapidement, les échéances étaient là, va être suivi par une décrue aussi importante. Et il va falloir dire à des gens qui étaient bien, j'ai plus de boulot, quoi. C'est souvent ça, un chantier. On démarre un petit peu de zéro, hein, on reconstitue une équipe. Donc c'est souvent des dents de scie. On n'aime pas la fin de la dents de scie. C'est très dur de monter comme ça. Et comme je dis toujours à mes équipes, vous allez voir, quand tous les problèmes seront réglés, c'est là où on va arrêter le chantier. Et ça, c'est assez régulier. Voilà. Je viens livrer des fûts d'éclairage. Chantier Amica, c'est pas le bon chantier. Ah. Parce qu'il y a accès rue Renouillère. C'est celui qui est après, là-bas. Non, ça, c'est pas chez nous. C'est... Il vaut mieux appeler... Je l'ai appelé, mais il me répond pas. Non, parce que là, sur le rond, le GPS, il m'envoie dans les petites rues, tourner à l'équerre avec une fouillère. C'est pas juste après à gauche, mais c'est... Ouais, 219... Ouais, chantier Amica, en tout cas, c'est pas nous. Ça, c'est nous, c'est chantier Fage ou RATP. D'accord. Bon, je vais... Voilà. Désolé. Mais les ouvriers, vous avez dit que c'était bien de faire travailler ensemble des ouvriers qui s'entendaient bien. Oui. Une fois que les ouvriers, ils n'appartiennent pas à EFAG, donc comment vous les retrouvez ? Enfin, il faut vraiment que les chantiers se suivent. Si... Oui, mais le réseau humain, et c'est le cas actuellement sur l'un de mes tunneliers, j'ai une forte proportion d'ouvriers espagnols qui sont arrivés là par le biais du travail par intérim. On les a fait venir sur le chantier, mais parce que j'avais un Espagnol dans mon encadrement qui, sur un chantier il y a 10 ans ou il y a 5 ans en arrière, avait déjà travaillé avec ces gens-là. Et il m'a dit, mais lui, je le connais, il est bien. Lui, non, on ne le prend pas. Lui, oui. Et donc, du coup, on a constitué des équipes comme ça. Alors, c'est vrai que... Et j'aime pas trop, mais en même temps, ça fonctionne bien. J'aime pas trop parce que vous allez sur le tunnelier, ça parle espagnol. Donc, c'est un peu gênant, mais on fait en sorte que ça ne soit pas un motif de dysfonctionnement. Mais en même temps, le Grand Paris, c'est un énorme chantier qui a dû faire appel à de la main-d'œuvre, comme au temps des cathédrales, certainement, ou au temps du... Pas trop au temps du viaduc de Millau, parce que... Mine de rien, sur le viaduc de Millau, c'est comparé au Grand Paris, c'est un tout petit ouvrage. Même s'il est flamboyant par sa dimension, il a dû utiliser que peut-être 500 personnes et de corps de métiers différents. Donc il n'y avait pas cette concentration de compétences comme sur le Grand Paris, où il y a 20 tunneliers, là où dans les années passées il y en avait un ou deux. Il a vraiment fallu faire venir du gens avec ces compétences-là. Il y aura peut-être une meilleure vue, mais j'ai peur qu'il passe avec la charge là-bas. Si... D'accord. Après, si vous mettez sous le feu, c'est là où vous allez avoir le mieux possible la recoupe sortir. Elle va sortir dans pas longtemps là. Je vais la remonter. Après, en fonction de où vous partez là, tu vois, on saura si vous posez pas de problème. Les gens qui travaillent en poste, donc avec un rythme de l'équivalent des 3-8, donc une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit, eux ils ont des pauses déjeuner dans leur poste et qu'on essaie de faire en sorte qu'ils soient répartis pour pas que tous les bonhommes aillent manger en même temps. Comme ça permet d'avoir une continuité 24 heures sur 24 de la machine et pas d'arrêt pour le déjeuner, comme on peut voir sur les chantiers de bâtiments où tout le monde arrête en même temps parce que c'est plus simple. Alors que nous, arrêter la machine pendant une heure pour une pause déjeuner, ça a un impact sur, le, sur notre production. Pour la belle de symphonie, pour la belle de symphonie, pour la belle de symphonie. Je parle de l'univers du chantier tel qu'il peut être perçu à l'extérieur, par le grand public, par la société, par le monde de l'université, le monde des formateurs, de l'école. De... Lorsqu'on accède à un métier comme celui-là, c'est qu'on n'a pas pu faire autre chose. Ce qui est d'une certaine façon assez scandaleux, c'est qu'on nie la noblesse de ce travail-là. Par contre, dans l'univers de chantier, quand on est derrière la palissade, là se joue une espèce de théâtre. Moi, ça me fait penser au théâtre classique, quelque part. Une pièce de théâtre dans laquelle chacun a sa place, chacun connaît son rôle, et il y a, disons de manière générique, sans embellir les choses, un respect mutuel de ceux qui interviennent dans le projet. Parce qu'en fait, ça s'apparente à du théâtre classique, parce qu'il y a une unité de lieu. On est là pour construire un lieu, un espace, donc c'est vraiment l'unité de lieu, unité de temps, il y a une action qui commence et qui va se terminer, et unité d'action, tout le monde converge vers la réalisation de cet objet commun. Et ça fédère en fait tout le monde dans une action commune qui est au fond très belle, même si elle peut être très dure. Moi je réalise que finalement le côté rude des choses n'enlève pas la beauté, contrairement à ce qu'on croit. C'est la vie n'est pas lisse. Et la beauté peut exister dans cette complexité-là, et parfois dans cette dureté-là, cette sévérité même pour certains hommes du bâtiment, pour certains métiers, certains sous-traitants, certains intérimaires. C'est malheureusement maintenant un métier où il y a beaucoup d'emplois d'intérimaires, de gens de passage, on les appelle les nomades, là, des gens qui passent, qui sont plus ou moins sous-payés, qui viennent, qui repartent, qui habitent dans des roulottes à côté des chantiers, qui passent leur vie à migrer comme ça d'un chantier à l'autre. C'est évidemment une forme de dégradation de la noblesse de ce métier. Mais dans le fond, ce qu'on appelait les compagnons avant, c'est d'une noblesse extraordinaire avec un respect mutuel qui est vraiment le cœur même de ce métier-là. Et les maisons poussaient comme des champignons, ça faisait la joie des compagnons. Chantait avec tous les maçons, tout là-haut sur le toit des maisons. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons. Ah non, le plus compliqué sur un tel chantier, c'est la main-d'œuvre. C'est arriver à réunir les compétences au bon moment et les mettre ensemble, les faire fonctionner ensemble et leur faire apprendre un métier éventuellement. On a fait beaucoup de formations, on a fait beaucoup d'insertions de personnel, de personnes qui étaient essentiellement dans le 93, par le biais des formations, par le biais aussi de des différents territoires comme Plaine Commune, qui nous ont amenés vers une population qu'on a choisie ensemble pour les former des électriciens, former des mécaniciens, former des soudeurs, des conducteurs d'engins, des grutiers. Pour être ensuite intégré au chantier. On a fait beaucoup d'heures, je ne saurais pas dire combien, mais c'est pas loin de 600 000 ou 700 000 heures d'insertion sur le chantier. Il faut combien d'heures à quelqu'un qui n'a jamais été grutier pour devenir grutier ? Combien d'heures de formation ? Grutier, c'est pas le plus compliqué. Je pense qu'il faut un mois ou deux mois pour former un grutier. Voilà. Et on a réussi à former même une grutière. On a formé une pilote de tunnelier aussi. Mais en général, les métiers qu'on imagine les moins élevés dans la hiérarchie sont ceux qui requièrent le plus de temps de formation. Par exemple ? Par exemple, les gens qui sont sur le tunnelier, qui chargent ou qui déchargent des convois ou qui posent les anneaux, donc qui utilisent une radiocommande, doivent avoir une dextérité évidemment pour manipuler la boîte à boutons, doivent avoir aussi une notion de vision dans l'espace pour bien positionner le voussoir à côté des autres, qu'il se développe bien dans sa place. Donc ça c'est des postes clés qu'on recherche, et si on ne les a pas,